Le rassemblement commémoratif du 7e congrès du Parti Travail de Corée s'est déroulé le 21 à Tokyo, Japon, en présence des personnalités du Comité japonais pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, de la Société de liaison nationale d'études du Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme du Japon, de l'Institut international des études Jutsu, des permanents de la Chongyun, Association générale des Coréens résidents au Japon, et d'autres compatriotes coréens. Les orateurs ont indiqué que le rapport d'activité du comité central présenté par le camarade Kim Jong-un au 7e congrès du Parti du Travail de Corée est un programme politique encyclopédique ayant donné des réponses parfaites à tous les problèmes posés pour le développement du parti coréen, l'édification d'une puissance prospère socialiste, la réunification coréenne et l'émancipation du monde. Ils se sont déterminés à maintenir toujours le drapeau du grand Kim Il-sungisme, Kim Jong-ilisme et à livrer plus énergiquement les études et vulgarisation des idées du Jutsu et le mouvement pour développer l'amitié bilatérale. À la suite des rassemblements, il y a eu un spectacle pour féliciter l'élection du maréchal coréen au poste de président du parti.